j'irai pas à votre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. Et bonjour et bienvenue dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois de 16h30 à 17h30 sur Radio Dio 89.5 FM. On est le mercredi 1er avril 2026 et le mois dernier j'avais essayé de parler un peu de l'extrême droite. Et voilà que, une fois n'est pas coutume, la justice nous offre le moyen de faire une transition entre l'émission du mois précédent et celle d'aujourd'hui. Figurez-vous que dans un arrêt du 18 mars, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a fait suite à la plainte déposée en avril 2024 par l'asso Utopia 56 et la LDH et ouvre une enquête à l'encontre de Fabrice Légéry, accusé de complicité de crimes contre l'humanité et de torture. Fabrice Légéry, c'est cet eurodéputé RN qui a été patron de Frontex de 2015 à 2022, pendant laquelle la plus grosse agence européenne a vu son budget plus que quintuplé. Il est accusé d'avoir facilité ou couvert le refoulement d'embarcations de migrants par les autorités grecques vers la Turquie, ainsi que des interceptions par les gardes-côtes libyens. Alors aujourd'hui, je suis avec des copains, et on va parler de Frontex en particulier et de la militarisation des frontières en général. Coucou. Salut. Hello. Salut. Pour commencer, on peut se demander c'est quoi la politique des frontières européennes en général ? Et voilà une question simple pour commencer l'émission. Mais c'est sûr que ça vaut le coup de commencer par là, puisque pour poser un petit peu les bases, pour comprendre un peu j'ai l'impression de tout le déroulé de l'émission, on va parler de la militarisation croissante des frontières, de politique d'externalisation, etc., etc. Et du coup, au niveau historique, un peu, moi je pense que ce qu'il faut poser avant tout, c'est que la construction de ce qu'on appelle maintenant la forteresse Europe, c'est-à-dire un peu le fait que l'Europe se dote d'une politique commune en termes de gestion de ses frontières extérieures, c'est des logiques qui font partie du continuum colonial. En gros, c'est la droite continuité de l'histoire coloniale européenne qui se continue à travers cette histoire de comment l'Europe actuellement gère ses frontières, puisque grosso modo l'Europe accumule ses richesses par des siècles de pillages et de massacres coloniaux. À partir des années 60, on a du coup le temps de la décolonisation. 80 arrive à peu près la chute du mur et du coup le triomphe un peu du libéralisme et du capitalisme. Et du coup, dans ce contexte-là, on arrive en Europe avec du coup toujours le souhait de maintenir la suprématie européenne, qui est toujours quand même un projet suprémaciste blanc et capitaliste, et de continuer à asseoir la domination et surtout la hiérarchisation entre le nord européen et le sud, désignant les anciennes colonies. Et à travers ça, du coup, un acte politique important et qu'on a beaucoup appris à l'école sans en mesurer les conséquences coloniales, c'est la création de l'espace Schengen. Création de l'espace Schengen, c'est la mise en application, c'est 1995, du coup, ce que je dis, à peu près une quarantaine d'années après les mouvements de décolonisation et à peu près post-chute du mur. Schengen, on l'a appris comme un moment de libre circulation, ouais, paradoxalement. Voilà. Ouais, complètement, c'est présenté comme ça, et c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a l'accomplissement du rêve européen, de la libre circulation des personnes et des marchandises. Mais en fait, ce avec quoi ça va, la création de l'espace Schengen, c'est du coup la création d'une frontière commune, puisqu'il n'y a plus de frontière entre les États, du coup on commence à créer une frontière commune autour, du coup la création du coup de la notion que l'Europe a une frontière extérieure à gérer ensemble, et surtout le premier outil de contrôle pour contrôler cette frontière, ça va être la création de ce qu'on appelle le visa Schengen. Le visa Schengen qui est du coup la demande, c'est-à-dire que tous les États du monde vont être inscrits sur des listes, soit une liste positive, c'est-à-dire pas besoin de visa Schengen pour rentrer en Europe. Du coup, on imagine grosso modo les partenaires impérialistes de l'Europe et les pays européens, et les pays qui ne sont pas sur la liste positive et qui vont avoir besoin de demander un visa Schengen pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'Europe. Ce visa Schengen, du coup, qui est extrêmement contraignant à partir du moment où on est ressortissant d'un pays qui a besoin de ce visa pour rentrer en Europe. Autant dire que ces pays sont donc toutes les anciennes colonies européennes. Et du coup, c'est un moyen de maintenir un contrôle sur la circulation des personnes et du coup d'exercer un moyen de pression majeur. Comme les personnes du coup ont des difficultés à obtenir ce visa, mais que les moyens de circulation continuent à se faire, qu'il y a toujours des mouvements de migration et que les personnes continuent à exercer leur droit à la liberté de circulation, l'Europe va progressivement, on va dire de 95 jusqu'à 2025, être dans un processus continu de blinder la forteresse Europe par des arsenaux juridiques, c'est-à-dire constituer tout un ensemble de lois, d'accords avec des pays qui dotent l'Europe de droits d'aller faire de l'externalisation, c'est-à-dire par exemple d'intervenir dans la gestion de pays qui sont non européens, de militariser ses frontières directement via différents moyens qu'on va détailler. Et voilà, en gros c'est à peu près ça, l'histoire de la politique européenne, quoi. Histoire raciste, coloniale, capitaliste, et qui se traduit dans différentes lois, différents outils, etc. quoi. Ok, merci. Et du coup, donc ça c'était pour à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de réagir, mais c'était pour, effectivement, merci Alice, c'était pour l'histoire des frontières. Alors, on a parlé de ce Légéry, là, de cette agence européenne qui s'appelle Frontex. Est-ce que tu as envie de nous en dire deux mots? Qu'est-ce que c'est que cette agence européenne? Pourquoi c'est la plus grosse agence de l'Europe? J'imagine qu'elle doit avoir des thunes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Et c'est justement, on va dire un petit peu que toute cette politique là que j'ai essayé un petit peu d'expliquer un peu les grandes lignes, elle va s'incarner, on va dire dans, on dit le bras armé, mais des fois je trouve ça un peu. Bon, je sais pas si c'est une bonne image, mais si on peut, bon, en tout cas, on va dire que le bras armé est surtout l'endroit opérationnel où vont s'exercer, s'appliquer concrètement la mise en application des politiques votées par le Parlement, par la Commission européenne en termes de gestion de ces frontières extérieures. Tout ça, ça va être l'agence Frontex, pour une contraction de frontières extérieures, qui va faire ça. Concrètement, c'est la création, c'est 2004, et il y a eu plein de refontes juridiques qui, grosso modo, comme toute la politique actuelle, mais notamment la politique européenne qui est de plus en plus raciste et sécuritaire. Du coup, on va vers une extension continue de ce que peut faire l'agence Frontex depuis sa création. C'est-à-dire qu'au début, elle pouvait juste faire de la coordination, supervision. C'était si les États membres ils voulaient bien donner un hélicoptère pour survoler les frontières, bah c'était bien. Bon, c'est devenu de plus en plus une instance qui décide. Et avec surtout, là actuellement, le projet, c'est d'avoir 10 000 agents opérationnels de Frontex sur le terrain. Du coup, des personnes qui sont sur les frontières en train de faire le sale boulot, quoi. C'est des moyens physiques, du coup, ce que j'ai dit là, un peu, il y a des hélicos, des bateaux, ce genre de trucs. Surtout des hélicos, d'ailleurs, et des drones. Et c'est de plus en plus de sous, bien sûr, parce qu'on voit bien que qu'est-ce qui marche dans le discours, c'est le discours de l'extrême droite, le discours de la menace de l'étranger, d'une Europe qui doit se protéger, etc. Du coup, bien évidemment, pour les politiques se mettent à peu près tous raccord sur il faut donner de plus en plus de sous à cette agence. Du coup, actuellement, c'est 1 000 millions, 1 milliard d'euros, alors qu'à la base, c'était beaucoup moins. C'est vraiment exponentiel son budget. Et 10 000 hommes, j'ai dit. Et du coup, c'est des flics et des gendarmes recrutés dans... C'est des flics et des gendarmes d'Europe, quoi. Ok, de différents États européens. Et du coup, on est en train de glisser. Donc effectivement, si on parle de forteresse Europe, une forteresse, ça peut se protéger avec des douves et des crocodiles. Mais du coup, là, en termes de douves et de crocodiles, on peut se demander... justement, comment, tu as commencé à le dire, hein, comment elle se manifeste, cette militarisation des frontières, quoi. Je vais essayer de partir sur des exemples un peu concrets, parce que en gros, la militarisation des frontières, c'est rendre le passage physique, puisque je pense qu'on en revient à cette histoire de visa Schengen, hein, du coup, les personnes n'ont pas la possibilité de faire des passages sûrs et sécurisé. Je veux dire, tu peux pas avoir ton visa, tu peux pas prendre l'avion, tu peux pas prendre le ferry. Et du coup, tu dois passer par d'autres moyens qui sont des moyens soit auto-organisés, soit sous la gestion de personnes qui font du trafic, quoi, qui font ces passages-là. Et la militarisation, c'est toutes les embûches que tu vas mettre sur le passage, quoi, en gros. Et du coup, c'est comme tu as dit, ça peut être des personnes physiques, des gardes-côtes armés, c'est des bateaux, c'est des moyens de surveillance. Et je pense pareil, hein, juste pour le... La logique générale, c'est bien de dire que la militarisation, ça n'empêche jamais les gens de passer, ça rend juste les choses plus dangereuses et ça fait plus de morts. Mais ça n'empêche pas les gens de passer, les gens continuent de passer. Est-ce que ça fabrique aussi la militarisation ? Ça, je pense que c'est important. C'est par exemple sur la frontière, la frontière entre la France et l'Angleterre, à travers le passage de la Manche. Du coup, la Manche qui est ce petit bras de mer... tout est tout petit, quoi, de Calais on voit Douvres, la côte anglaise, quoi. Et bah du coup ce passage là c'est un passage très important pour beaucoup de gens qui souhaitent aller en Angleterre pour différentes raisons, l'Angleterre étant aussi un pays impérialiste qui a gardé beaucoup de personnes qui ont des intérêts à aller en Angleterre. On peut imaginer que tout simplement elles sont anglophones ou elles ont... Carrément, qu'il y a de la famille là-bas, qu'il y a aussi du boulot possible, etc. Bref, toutes les raisons. Du coup, cette frontière, sur les dernières années, elle a été de plus avec des accords qui ont été massivement signés entre la France et l'Angleterre et Frontex, qui vient aussi faire de la coordination sur cette zone-là, et de plus en plus militarisée. Ça veut dire des barbelés, ça veut dire aussi la mise... Avant, les gens, par exemple, ils passaient dans des camions. Du coup, ça pouvait être des passages auto-organisés où... t'es trois avec ton pote, du coup tu captes un peu quand est-ce qu'il y a les camions qui passent, tu jumps dans le camion et t'es dans le ferry, tu te caches et puis t'arrives en Angleterre et puis tu sors du camion. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ce que je raconte depuis le début, mais en tout cas t'avais ces possibilités un peu d'auto-organisation. La militarisation, c'est du coup des moyens technologiques, des keufs, des checkpoints. Actuellement, c'est les gendarmes militaires français qui sont sur les plages, qui courent sur les bateaux, qui les déchirent à coups de canif. Enfin, c'est tout ça. Et ce que ça vient fabriquer, c'est que du coup, l'auto-organisation, elle est plus possible. possible, grosso modo. Comme c'est de plus en plus complexe, il faut réfléchir à des stratégies plus compliquées pour détourner ces moyens-là. Et du coup, plus compliqué, ça veut dire plus cher. Ça veut dire qu'il y a l'installation du trafic. Et du coup, je pense que c'est important de le dire aussi, que la militarisation, ça fabrique ça. Parce qu'un gros discours de l'Europe, c'est de dire on lutte contre le trafic d'êtres humains, on lutte contre la traite, etc. Alors que c'est complètement faux. À partir du moment où on militarise, on favorise ces trafics-là, puisqu'on empêche les gens de se débrouiller tout seuls. D'avoir des moyens autonomes de le faire. Quoi. Ça, c'est un des exemples de la militarisation, par exemple. Bah, y en a d'autres, mais je ne sais pas, si, je sais pas trop où on en est sur notre timing, si je continue. Super, ou... On est très très bien. On est très très bien, top. oui, bah, du coup, je pense que c'est un autre exemple. Du coup, là, on a parlé un peu de la Manche. Je pense qu'une frontière qu'on connaît plus, qui est souvent assez médiatisée, hein, c'est la frontière de la Méditerranée centrale. Pardon, j'avais juste sur les moyens techniques, du coup, on en parlait, qui sont plus ou moins visibles, mais justement sur la Manche, le fait de plus pouvoir se mettre dans un camion et tout ça, c'est notamment lié au capteur de CO2. Non, ça, c'est un des moyens techniques. Ouais, complètement. Et du coup, ça fonctionne comment? C'était le but, c'est que les flics, ils essayent de voir s'il y a un être vivant à l'intérieur d'un camion qui n'est pas censé avoir des êtres vivants. Ouais, complètement. Capteur de CO2, t'avais aussi des scanners à battements cardiaques, tu vois. Trucs comme ça. Mais je crois que on a une camarade qui va nous faire un petit topo sur la technologie aussi à un moment, mais ouais, en tout cas, c'est des trucs comme ça. Et effectivement, mais bon, pareil, je pense qu'on va en parler après avec Polo. Avec Polo, que c'est des zones test, les zones frontières, puisque je veux dire encore une fois, quoi, c'est des zones de non-droit, c'est des zones ultra racistes, du coup, c'est évidemment des zones test pour toutes ces merdes là aussi, quoi. En tout cas, ouais, un autre exemple, là, c'est la Méditerranée, le passage de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire les routes qu'empruntent les personnes qui arrivent depuis différents pays, ça peut être d'Afrique de l'Est ou d'Afrique subsaharienne, qui arrivent en Libye ou en Tunisie et qui là vont passer par bateau. Du coup, c'est souvent des gros bateaux pneumatiques ou d'autres types de bateaux pour aller jusqu'à Lampedusa, qui est une petite île, pour... Lampedusa, qui est une île italienne, du coup, c'est pour atteindre l'Europe. Pour atteindre l'Europe, ouais. Bon, il y a encore une dizaine d'années, il y avait quand même. Ça a toujours été une traversée dangereuse, et la Libye, ça fait des années et des années que c'est un pays où il y a des tortures, des emprisonnements, où c'est vraiment d'une violence extrême, ce qui se passe pour les personnes en mouvement là-bas. Mais il y avait quand même des possibilités de passage, il y avait certaines filières qui étaient un peu plus respectueuses. Enfin bon, en tout cas, il y avait depuis, on va dire, 2018, grosso modo, il y a eu des accords très importants qui ont été passés tractation politique entre l'Europe et la Libye. Alors c'est rarement directement Europe-Libye, c'est plutôt genre Allemagne-Libye, ou c'est plutôt de pays à pays. Mais qui, en gros, ont doté la Libye et d'une zone géographique de soi-disant secours, ont donné des bateaux pour soi-disant faire du sauvetage, et Frontex est arrivé surtout dans ce coin-là avec des drones. Et du coup, ça, ce que ça a fabriqué, c'est que maintenant, il y a un nombre d'interceptions énorme. C'est-à-dire que les bateaux partent, ils sont repérés par les drones de Frontex. C'est un gros argument de Frontex, hein. Bien sûr, ils disent pas on est des flics et des gendarmes racistes. Ils disent nous, on est là pour surveiller, gérer les crises, gérer le risque et sauver les vies. Bon, c'est complètement faux. Frontex, ils n'ont pas des bateaux de sauvetage, ils ont des drones de surveillance. C'est pas fait pour sauver des vies, quoi. Du coup, ces drones de surveillance, ils voient les bateaux, ils informent les gardes-côtes libyens, les gardes-côtes libyens viennent, ils tirent à vue sur les gens, ça, c'est des choses qui sont... Et ils les ramènent, et ils les foutent en tôle, et ils les torturent. Du coup, ça, c'est un autre exemple concret de c'est quoi la militarisation, est-ce que ça fabrique dans la réalité pour les personnes en mouvement, quoi. On voit qu'ils s'en vantent même dans leurs documents de Frontex. Ils parlent de ça, ils parlent de certains sauvetages qui ont eu lieu grâce à leurs drones, mais ils parlent pas de tout le reste des personnes qui sont mortes en mer ou qui ont été justement refoulées vers les gardes-côtes libyens et qui continuent de subir la torture, quoi. Surtout que souvent ils outrepassent les kilomètres qui correspondent à leur zone de travail, et du coup les drones vont retrouver des bateaux, des embarcations qui en fait sont beaucoup plus proche de l'Italie et de Malte que de la Libye. Et pour autant, il y a quand même des bateaux libyens, des gardes-côtes et même des milices paramilitaires qui vont chercher les bateaux, alors même que ce n'est plus leur zone du tout de prédilection. Ouais, complètement. Et ça c'est notamment un pushback, ce que tu décris, du coup, refoulement en français. Et le pushback, du coup, c'est une violation des droits humains, parce que du coup, ça veut dire que les personnes, normalement, qui doivent avoir le droit, qu'on étudie leur droit d'asile en Europe, et du coup, à partir du moment où elles sont sur le territoire européen, il faut qu'elles puissent être étudiées. Et du coup, si elles sont ramenées, c'est illégal. Et ça a été surtout très connu dans les agissements de Frontex, surtout sur la frontière Turquie-Grèce, quoi. Mmh. Où là, ça a été massif, systématique, ultra documenté, quoi. Mmh. Et c'est peut-être en ça que Fabrice Légéry devra répondre. Ouais, peut-être. C'est ça. Ouais. Bon, il faut attendre des années pour que la justice dise quoi que ce soit, mais bon. Mmh. Alors, moi, j'ai essayé de faire quelques recherches sur justement cet aspect technologie. Les technologies, ça commence par quelque chose d'assez banal, technologique que ça, à savoir des murs. Et j'ai appris que l'Europe est aujourd'hui le deuxième continent après l'Asie à compter le plus de murs frontaliers. Donc il y a 235 km de murs entre la Bulgarie et la Turquie, 158 km entre la Hongrie et la Serbie. Plus de 200 km entre la Lettonie et la Russie, ou encore ce long mur nouveau entre la Biélorussie et la Pologne de 187 km et qui a été construit suite à ce qui a été qualifié de crise migratoire majeure en 2021. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le moment où la Pologne accusait la Biélorussie d'acheminer en masse des personnes d'Afrique à la frontière polonaise. Et cette crise, elle a été gérée vraiment comme une situation de guerre, aussi bien au niveau du vocabulaire. Les personnes migrantes étaient qualifiées par la Pologne de munitions envoyées sur le territoire, et aussi au niveau des moyens déployés. Entre autres, la Pologne a autorisé ses gardes frontières à utiliser les armes à feu contre les personnes qui essayaient de passer. Et donc cette crise, elle a aussi donné cet immense mur de 187 km de long, haut de 5 mètres et orné de 3 rangées de barbelés. Voilà, ça c'est pour la Pologne. Après, on pense aussi bien sûr au mur autour des colonies espagnoles de Ceuta et Melilla. Melilla est par exemple entourée de clôtures de 7 mètres de haut en 3 parties, donc une de côté espagnol, une internationale et une marocaine. Et donc chacune de ces clôtures est surmontée de barbelés tranchants comme des rasoirs et est précédée d'une fosse de 5 mètres, donc qui est quasi impossible de franchir. Bon, il y a quand même des gens qui arrivent. En plus des murs, il y a aussi ce qu'on appelle des zones interdites, comme par exemple celle sur les plages autour de Nador au Maroc, où le public est banni pour mieux contrôler les départs par la mer. Alors toutes ces déclinaisons des frontières, murs ou autre chose, sont dans tous les cas de figure de plus en plus technologisées. Par exemple, le mur polonais est doté de 1300 caméras et des systèmes de détection qui envoient des alertes si quelque chose touche ce mur. Donc en gros, ce qu'ils disent là-bas, c'est que la dite crise migratoire a permis de moderniser la frontière, donc avec autant de marché et d'argent pour les fabricants de toutes ces technologies. Dans les technologies du contrôle aux frontières, alors pour reprendre la terminologie utilisée par Damien Simonneau, alors Damien Simonneau, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi s'emmurer ?». Donc je n'ai pas lu son livre, mais je l'ai entendu parler sur France Q. Il disait plutôt des choses sensées. Donc pour reprendre cette terminologie, dans les technologies du contrôle des frontières, on trouve aussi bien du low-tech, notamment tout ce qui vient du bâtiment, justement du BTP, et tout ce qui concerne la construction de barrières de toutes sortes. Mais on trouve aussi des éléments extrêmement poussés, qui peuvent venir des industries de défense, drones, caméras et capteurs thermiques, on en a déjà parlé, capteurs de mouvement, radars de plus en plus puissants. Et troisième élément, c'est tout ce qui est solutions informatiques, puisque le contrôle migratoire en Europe se fait aujourd'hui aussi par la constitution de bases de données, mises en réseau les unes avec les autres. Et donc il y a tout ce qui est, toutes les technologies qui accélèrent et qui automatisent aussi cette mise en données et en réseau, donc des systèmes informatiques. Et tout ça, ça nous donne une large palette d'acteurs qui ont intérêt économique et aussi professionnel. Tous les informaticiens qui bossent à ces systèmes-là, par exemple, au renforcement des frontières. Alors aussi, une autre tendance, c'est que les technologies des frontières sont de plus en plus des technologies militaires. Par exemple, au Salon mondial des technologies du contrôle des frontières, c'est World Border Security Congress, on parle par exemple clairement de l'usage dual de la plupart de ces technologies. On sait aussi que c'est un marché en pleine croissance, et du fait notamment de Frontex et de ses énormes budgets qu'Alissa a évoqués. Frontex et ses budgets qui deviennent un acteur clé du développement des technologies de surveillance, de contrôle, de répression aux frontières, mais aussi on le verra au-delà des frontières. Et donc ça fait autant de thunes à se faire pour les différentes entreprises. Alors, pareil, Alice l'a dit, les frontières technologisées, pas les frontières tout court, mais technologisées en particulier, sont un espace de test par excellence. Alors, c'est là qu'on va tester les différentes technologies de pointe avant leur déploiement dans d'autres secteurs, enfin dans d'autres pays, d'autres secteurs. Des tests qui sont conduits en situation réelle, hein, sur des personnes réelles, avec des enjeux de vie et de mort. Des tests qui peuvent aussi être menés de l'autre côté, du coup, des frontières européennes, puisque les frontières sont externalisées. Dans des pays où la législation est beaucoup plus permissive qu'en Europe, notamment pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, et pas que, ce qui permet de tester des produits qui ne pourraient pas l'être en Europe. Donc c'est vraiment très pratique. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce logiciel qui permet d'infiltrer les smartphones pour en pomper le contenu, qui s'appelle Kiosk, et qui est fabriqué par une entreprise israélienne, Cellebrite. Et bien, ce logiciel qui a été commandé pour équiper pas moins de 500 Comico en France, par exemple, aujourd'hui, au départ, il a été testé sur les frontières. Il y a aussi l'exemple assez terrible de la Serbie, qui apparemment sert fréquemment de laboratoire dans ce domaine aussi, avec des répercussions directes en matière de répression sur place, sur des gens sur place. Pareil, peut-être vous souvenez de ces images qui ont pas mal circulé, qui ont pas mal choqué en 2025, d'une manif étudiante qui se fait disperser par un canon à son. Du coup, c'est une arme complètement inconnue jusque-là, et on voyait des gens complètement étourdis et qui vomissaient. Donc, ça étourdit, ça fait vomir. Donc, vraiment l'horreur, quoi. Eh bien, apparemment, avant d'être utilisée contre des manifestants en 2025, donc en Serbie, cette technologie a été testée, toujours en Serbie, contre des personnes migrantes en 2023. Et toujours un peu dans le genre des technologies un peu futuristes, qui ne sont pas forcément retenues ou déployées largement partout immédiatement, mais qui, comme je disais, c'était vraiment des espaces où on peut les tester. Il y a eu des tests de l'intelligence artificielle émotionnelle dans le cadre du projet High Border Control. Donc ça, c'était en Hongrie, en Grèce et en Lettonie entre 2016 et 2019. Et donc là, l'idée, c'était d'identifier les profils à risque au travers de l'analyse des micro-expressions faciales, du langage corporel et des réponses au stress. Donc c'est encore un truc qui fait bien flipper. Alors là, cette expérimentation, elle a été pas mal critiquée, et typiquement, cette technologie-là, elle n'a pas l'air d'avoir passé encore l'étape de test, donc ça n'a pas été déployé, mais voilà quand même. Et pour donner un tout dernier exemple dans cette liste, et elle est longue, il y a certainement d'autres choses à dire. En septembre 2025, sous l'égide de Frontex, la Bulgarie a servi aussi d'espace test dans un réseau de surveillance par drone développé par l'entreprise d'armement américaine qui s'appelle Shield AIM, on s'en fout un peu. En tout cas, du coup, pendant 60 jours, il y avait des drones particuliers qui étaient capables de décoller à la verticale en particulier, qui ont survolé la frontière entre la Bulgarie et la Turquie en transmettant des vidéos en temps réel. Un centre de commandement et tout ça avec des alertes générées par l'intelligence artificielle toutes les tentatives de franchissement de frontières. Donc ça, c'est aussi un exemple. Cet arsenal technologique déployé aux frontières a pour mission, selon les documents de la Commission européenne, de détecter, de contrôler et de surveiller. Et la tendance générale, c'est d'allier de plus en plus des technologies de repérage, par exemple les drones, aux technologies qui permettent l'identification, notamment la biométrie. Et ces deux composantes sont de plus en plus reliées par l'intelligence artificielle. Donc c'est le combo un peu de la frontière automatisée qui est dans les cartons de l'Union depuis longtemps. Et dans ce domaine, ça avance aussi. Donc il y a, depuis octobre 2025, a commencé la mise en œuvre de la nouvelle réglementation européenne dite Entry-Exit System, système d'entrée-sortie. Donc là, en gros, c'est une grosse base de données qui va enregistrer les données biométriques et personnelles des personnes non ressortissantes de Schengen. lorsqu'ils franchissent une frontière Schengen. Et donc, il va permettre aussi de surveiller de manière plus ou moins automatisée s'ils dépassent les termes de leur visa. Donc là, par exemple, il y a déjà des éléments d'intelligence artificielle qui vont lancer des alertes en cas de situation anormale. Et il est question d'aller plus loin, notamment en automne 2025. Frontex a lancé un projet pilote dans le cadre de ce système-là, de cette base de données, visant à mettre en place et à tester un système dit de Smart Borders, frontières intelligentes. En gros, ils appellent beaucoup de choses Smart Borders, mais là, il s'agit concrètement de vérifier par l'intelligence artificielle les données personnelles et biométriques qui sont recueillies dans la base de données d'entrée-sortie, là. Et du coup, ce test il sera fait en conditions réelles dans le port de Civitavecchia en Italie. Et donc, ça va commencer en 2026. Et il y a un appel d'offres pour déterminer qui va mettre en place ce projet pilote. Il y a 12 entreprises qui ont été présélectionnées par Frontex. Et parmi ces entreprises, il y a le groupe français IDEMIA. Voilà, bah, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Mais en gros, c'est assez compliqué aussi de distinguer entre projet pilote et véritable opération. Projet pilote, c'est quelque chose qui sert à tester, c'est un démonstrateur qui augure des déploiements plus larges. Mais il y a aussi des projets plus localisés. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'appellent frontières intelligentes, sans forcément porter sur la même chose. Et donc, par exemple, la Grèce a déjà installé une barrière high-tech assistée par Léa à la frontière turque. Elle s'apprête à le faire en Albanie. On peut aussi lire dans un rapport du réseau Alarm Phone sur la technique au service de la répression des mobilités qu'en Espagne, par exemple, toujours à Ceuta et Melilla, il y a déjà le déploiement de ES un peu avant l'heure. Et il y a aussi un projet de frontière intelligente entre Melilla et Nador, ça c'est au Maroc. Enfin, la frontière, c'est au Maroc entre la colonie de Melilla et Nador, qui, avec entre autres des capteurs biométriques, des caméras haute résolution, des systèmes de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation et un usage beaucoup plus poussé que jusqu'à là de l'intelligence artificielle. Et il faut aussi rajouter un constat de. Frontex, disons, fait aussi tout un travail en amont dans les pays de ces frontières externalisées, notamment en Afrique, entre autres pour leur faire adopter la biométrie. Donc en gros, c'est plus simple si tout le monde est déjà fiché en amont, ça simplifie grandement le sale boulot de Frontex par la suite. Donc, par exemple, des postes de frontières biométriques ont été installés au Sénégal dès 2018, où le modèle de Frontex cherche aussi à implanter le modèle européen de fichiers biométriques en Mauritanie, etc., etc. Voilà, c'est pour un petit aperçu. Après, on peut faire des spéculations se basant sur d'autres projets pilotes, notamment ceux qui européens, toujours ceux qui bossent sur les robots, d'imaginer un peu un futur encore plus dystopique. Mais je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Merci, Polo. Peut-être que j'enchaîne. On a un peu éclaté le timing. Je vais enchaîner. J'avais prévu de parler un peu de l'industrie. Et question industrie, on se rappelle le scandale des Frontex Files en 2021 qui dévoilait que Frontex avait développé des liens avec plus d'une centaine de boîtes, leur donnant des accès privilégiés. En somme, Frontex était accusé d'être vérolé par des lobbies et de fricoter avec les pires boîtes de l'armement, comme Airbus et Leonardo par exemple. Mais en réponse à ces accusations, Frontex a joué la carte de la transparence. Non, il n'y a pas de lobbying. Oui, nous avons rencontré des industriels, mais seulement dans le cadre libéral et tout à fait normal de la concurrence libre et non faussée sur des parts de marché qui peuvent les intéresser. Parce que oui, on a plein de thunes. C'était par exemple lors des Industry Days, des séminaires où on invite les industriels à venir présenter leurs projets, comme par exemple en avril 2025, sur les systèmes de plateforme en haute altitude, en gros des ballons pour observer la Terre. Ou par exemple, à 11h40, Thales présente son Stratobus. À 12h20, Airbus Defence and Space a présenté son Strat Observer. Et le lendemain, à 9h40, la française Emeria, la toulousaine Emeria, a présenté Ballman, des ballons stratosphériques avec plein d'options pour surveiller les frontières. Vous voulez quoi? De l'infrarouge? Des radars? De l'optique? Des ondes? Il y a tout dans les Industry Days. Les prochains auront lieu en avril et en mai et porteront sur les équipements personnels des gardes ou le futur des frontières de l'Union européenne. Et vous en avez peut-être loupé plein, notamment sur les jumeaux numériques des frontières, sur les solutions innovantes pour la sécurité des documents, sur les solutions technologiques pour contrer les crimes transfrontaliers, sur des programmes de fitness pour les officiers, mais aussi bien sûr sur l'intelligence artificielle, la biométrie, le machine learning, la surveillance autonome, on en parlait, l'analyse prédictive, les drones, l'internet des objets. Bref, plein de sujets hyper sympas avec plein de boîtes tout aussi sympas prêtes à œuvrer pour un monde meilleur. Non, je m'égare. Frontex a même participé à l'intersection entre la technologie de rupture et l'inclusivité de genre au plus grand sommet mondial du Women in Tech, les femmes dans la tech. Sans commentaire, on fait mieux sur le pinkwashing. Pour revenir au monde industriel, on s'en doute, parmi toutes ces boîtes qui veulent remplir leur carnet de commandes, on retrouve les plus gros vendeurs d'armes au monde, comme les françaises Thales, dont j'ai parlé, Safran, Airbus ou l'italienne Leonardo. Je me sers du rapport du Transnational Institute intitulé Expanding the Fortress, hein, on parlait de forteresse tout à l'heure, daté de mai 2018 pour donner 2-3 exemples. À propos de Thales, par exemple, elle a aidé le Maroc dans son projet de carte d'identité biométrique. Elle a aussi équipé de radars des rafales et des bateaux que le gouvernement militaire égyptien avait achetés en échange de coopération en termes migratoires entre ce pays et l'Union européenne. Dans le même rapport, on trouve les plus grosses boîtes militaires de Turquie qui ont reçu entre 2007 et 2020 469 millions d'euros de la part de l'Europe pour la gestion de ses frontières. Une partie de cet argent, visiblement, a ruisselé jusqu'à Azelsan et Otokar, des entreprises qui développent des tours, des ballons et des véhicules équipés de radars dont les usages sont censés être civils, mais, et c'est ça la dualité, qui ont aussi servi à la guerre contre les Kurdes. Avec l'argent européen. Et enfin, le rapport lâche aussi en passant que Thales est membre de deux assos, Aerospace Defense et European Organization for Security. Et ces deux assos regroupent des centaines de boîtes et se décrivent elles-mêmes comme des lobbies. Vous voyez qu'on a bouclé la boucle à propos des Frontex Files. En fait, il y a clairement des lobbies qui s'intéressent au marché de la sécurisation des frontières. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez consulter ces rapports sur le site du Transnational Institute. C'était mon cas et j'ai découvert un rapport plus récent, d'octobre 2025, intitulé Border Labs. Et oui, en plus des entités gouvernementales ou européennes et des entreprises, il y a les universités. Dans la préface de ce rapport, Michele Lancione exhibe la coopération tripartite entre son université, Politecnico à Turin, Leonardo, donc une énorme boîte d'armement, et l'OTAN, rien que ça, pour un projet nommé Aerospace Citadel. Lui, il pointe du doigt cette intrusion des treillis dans les labos et aussi la résignation, voire la complaisance ou la complicité de ses collègues en affirmant plutôt la nécessité d'un discours antimilitariste et anti-guerre dans des espaces, les universités, censées rester libres. Il se demande aussi, en passant, si Leonardo serait l'une des plus grosses boîtes mondiales d'armement si elle n'avait pas bénéficié des compétences de ses labos, justement. En termes universitaires, on dit une synergie d'exception. Alors, pour revenir aux migrations et au rapport dont je parlais, ce rapport, il montre, par exemple, je vais faire quelques petits points, qu'entre 2002 et 2025, plus de 200 universités ont collaboré au programme européen sur les frontières, bénéficiant donc de 100 millions d'euros de fonds, que des boîtes comme Leonardo ou Thales viennent entreprendre des recherches ou des thèses dans les domaines comme la robotique ou l'IA. Il y a un cas surprenant dont tu n'as pas parlé, je crois. Entre 2012 et 2017, l'Union européenne a fondé différents projets de chiens robots renifleurs avec différentes boîtes au choix, Airbus, Thales ou le ministère israélien de la sécurité publique qui s'intéresse à ça visiblement. On apprend toujours dans ce rapport que les sciences sociales ne sont pas en reste. Et oui, quand il s'agit de faire des prévisions, d'analyser les motivations des migrations, de traiter de l'exil ou de corréler le changement climatique et les futures migrations, les sciences sociales sont là, sont mobilisables, et bien sûr, elles sont mobilisées. Le rapport toujours montre que Frontex, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Frontex, noue des partenariats avec 38 universités dans 25 pays. En France, il s'agit d'un partenariat à Lyon avec l'École nationale supérieure de police. Aussi, pour montrer que la collaboration des labos n'est pas que de la résignation passive ou de la complaisance, il faut qu'on parle des spin-offs, que l'on connaît bien à Grenoble, c'est un peu le modèle grenoblois. Vous savez, les spin-offs, ce sont toutes ces boîtes privées qui ont été créées à partir des recherches publiques, des labos publics. Subitement, les chercheurs se disent « Ah ouais, mais c'est intéressant ce que j'ai trouvé, je vais breveter mon truc et faire de l'argent. » Et les plus sulfureuses spin-offs citées dans le rapport sont High Border Control, dont on a parlé, qui vient d'un labo de Manchester. Clantech, pareil, qui vient d'un labo britannique qui détecte les battements du cœur. ou Mobile, qui vient d'un labo norvégien qui fait de la reconnaissance faciale, ou Sekestim, encore un labo britannique qui, lui, détecte la chaleur pour des gens qui voudraient se cacher dans des camions, quoi. En fait, ça, ça vient de labos de recherche, quoi. Voilà, on a parlé des différentes façons qu'ont les universités de collaborer à la gestion et la militarisation des frontières. Et avec la guerre en Ukraine, elles sont de plus en plus amenées à collaborer avec la militarisation tout court. Une pensée pour les étudiants et étudiantes de Lyon qui s'opposent cette semaine à un exercice militaire intitulé « Orient Jeunesse » à l'intérieur de leur fac. Et puisqu'on a parlé deux fois de Lyon, il faut quand même que je parle de Saint-Thé. Dans le dernier rapport de Frontex, alors c'est le Frontex elle-même cette fois, donc le rapport il a un nom sympa, hein, c'est « L'observation de la Terre pour le management des frontières ». Je ne savais pas trop comment traduire « management » pour la gestion des frontières. D'octobre 2025, Frontex parle beaucoup des radars SAR pour surveiller les frontières. SAR, ça veut dire Synthétique Aperture Radar. Bon, on n'est pas plus avancé, mais il faudrait demander à Florence Tupin, de Télécom Paris. Elle nous explique dans la description de son projet qui s'appelle Astral. L'imagerie SAR, radar à synthèse d'ouverture, repose sur l'émission d'ondes électromagnétiques hyperfréquences qui sont ensuite rétrodiffusées par les éléments à la surface du sol. Bon, moi, j'ai toujours pas plus compris. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à la fin de la description du projet, je sais que l'Agence nationale de recherche a donné 300 000 balles, que ce projet vient d'un projet de la DGA, de la Direction Générale de l'Armement, et que parmi les labos qui participent à ce projet, il y a le laboratoire Hubert Curien, qui est situé à Saint-Étienne. Voilà. Et ce labo Hubert Curien, il pond des articles aussi avec l'entreprise CS Group, qui est une filiale de Soprasteria, et qui bosse dans le domaine de la surveillance, de la biométrie et du contrôle. D'ailleurs, elle fait partie avec IDEMIA de l'asso European Association for Biometrics, et donc qui bosse beaucoup là-dessus. Comme quoi, à Saint-Thé, on a aussi de la recherche scientifique de qualité. Youpi. Et alors, avant de continuer, on va passer une petite chanson d'un groupe qui s'appelle 13 Flow, dont le rappeur qu'on va entendre s'appelle Ibrahima. La chanson s'appelle Let Me Free. Et du coup, Ibrahima, il est en prison en Angleterre. Il a été condamné à 9 ans et demi de prison. Il est accusé d'avoir conduit un bateau pour traverser la Manche. Et du coup, il a été condamné pour ça. Et du coup, en tant que... Comme trafiquant ? Oui. Il est accusé du fait que les gens soient morts sur le bateau, qu'il y en a d'autres qui soient disparus, et du coup, d'avoir armé... Enfin, d'avoir lancé ce bateau sur la Manche. Et il a enregistré ses morceaux en prison. Si vous voulez écouter l'histoire d'Ibrahima et d'autres personnes qui sont accusées de capitainerie, il y a l'épisode numéro 28 de Chronique amère qui passe aussi sur Radio Dio qui en parle. Yeah. Starting from Casa. Let me free. Free. Mido soka, ibe jalalang, kwa mi wadi kondo, bebe wawata. Mido soka, ibe jalalang, kwa mi wadi kondo, ibe. Kander kaso, mimi dani sudo, kander kaso do, mimi wali nene. Kuhunu njalata, anga anda, kuhunu njalata do, anga fama. Mido yalti, mi achi nene, mido yalti do, mi achi baba. Mido jodi, Lady Porto, Ibe in a lando, Mansulota, Honu Wadumi, Sida Sokalang, Mido Fala Mbudi, Ida Sokalang, Mido Fala Oto, Ida Sokalang, Mido Fala Vila, Ida Sokalang, Let me free, let me free, Sabuna Sido, Ibe Jalalang, Let me free, let me free, Sabuna Sido, Ibe Jalalang, Nene no happy, Ibe Sokilang, Baba no happy, Ibe Sokilang, Kuhono mi wadata, mimi yalta do. Kuhono mi wadata, mimi gaina do. Let me free, let me free. Sabuna sido, ibe jalalang. Let me free, let me free. Sabuna sido, ibe bonalang. Mido soka, ibe jalalang. Kuhadu mi kondo, bebe wawata. Kander kaso, mimi dani sudo. Kander kaso do, mimi wali nene. Kuhono jalata, anga anda. Kuhono njalata do, anga fama. Mido jodi, achi nene. Mido yaltido, achi baba. Mido jodi, lady porto. Ibe in a lando, Mansulota. Onu wadu mi, si da sokala. Onu wadu mi do, si da sokala. Mi do fala mbudi, hi da sokala. Mi do fala oto, hi da sokala. Mi do fala vila, hi da sokala. Let me free, let me free. Sabuna si do, ibe jalala. Let me free, let me free. Sabuna si do, ibe jalala. Nene no happy, ibe sokila. Baba no happy, ibe sokila. Yono mi wadata, mimi gaina dun. Ko hono mi wadata, mimi yelta do. Let me free, let me free. Sabuna si do, ibe jalala. Let me free, let me free. Sabuna si do, ibe jalala. Ko tatin flow, let me free. Tatin flow do, let me free. Let me free, let me free. Sabuna si do, ibe jalala. Let me free, let me free. On est de retour sur Dio, le 895 de Dio, dans l'émission antimilitariste J'irai pas. Et on est avec Alice, Billy et Polo. Et cette émission s'intéressait aux frontières. Et oui, du coup, pour reprendre un petit peu. Du coup, le ce qui est. Excusez-moi, je vais y arriver. Non, du coup, je pense que c'est important de donner un petit peu peut-être des éléments sur... du coup, là, on a beaucoup parlé de la militarisation des boîtes, de la logique industrielle derrière et technologique, et la militarisation brute, quoi, on va dire. Il y a aussi, bien évidemment, tout l'arsenal juridique qui va avec et qui, l'un va pas sans l'autre, quoi, en gros. Et du coup, juste pour donner un petit peu des repères... On peut pas parler de toutes les lois, etc., blablabla. De toute façon, c'est comme en France, on voit bien qu'on est sur un continuum depuis une trentaine d'années, que toutes les lois qui sont votées en matière de migration et de droit pour les personnes étrangères en France, ça va toujours vers des logiques de plus en plus racistes, d'enfermement, de suppression, diminution des droits. Au niveau européen, c'est exactement pareil. C'est intéressant d'avoir deux, trois repères, quand même. Le premier, c'est le pacte asile-immigration, qui a été du coup débattu pendant pas mal d'années, puis qui a été adopté par le Parlement européen, puis par les autres instances européennes qui doivent valider derrière, du coup en juin 2024, et qui doit être, du coup, être mis en application là, juin 2026, du coup dans deux mois. Le pacte asile-immigration, il va du coup il continue la logique en termes juridiques concernant les personnes en mouvement qui rejoignent l'Europe, c'est-à-dire qu'il vient entériner plus de contrôle avec, comme a dit Polo, il y a une refonte un petit peu des systèmes de biométrie et de surveillance pour les personnes en mouvement, du coup avec des violations énormes, vous voyez quoi, ça crée des énormes bases de données sur les gens de différentes manières, du coup il y a ça dans le pacte asile-immigration, du coup plus de contrôle. Et surtout, ça réalise un petit peu le rêve des gros racistes qui dominent toute cette logique et qui votent ces lois, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est-à-dire que ça vient acter que les personnes, on va tout faire pour qu'elles ne posent pas le pied en Europe. Parce que le gros fantasme et le gros discours, c'est de dire il y a des fraudeurs, il faut faire le tri entre les bons et les mauvais. Et une fois qu'ils sont en Europe, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Du coup, voilà, ça c'est le projet depuis des années. Hein, c'est du coup le pacte asile-immigration, il vient du coup entériner, aller encore plus loin que la logique hotspot que Billy va décrire un peu plus loin. Mais du coup, pacte asile-immigration, il dit il y aura concrètement aux frontières de l'Europe des énormes centres où les gens, dès qu'ils vont arriver à Lampedusa, à différents endroits d'entrée, ils vont être balancés dans ces centres. Et dans ces centres, on fera un tri, un filtrage entre les bons migrants et les mauvais migrants sur des bases arbitraires, de façon très rapide, où les gens pourront pas se défendre, il n'y aura pas d'avocat, il n'y aura personne pour surveiller ce qui se passe là-bas. Et grosso modo, sur des critères assez arbitraires, il y aura des gens qui vont pouvoir arriver en Europe pour avoir un examen de leur demande d'asile ou de titre de séjour. Et puis tous les autres, ils seront parqués de façon plus ou moins indéfinie dans ces centres ou réexpulsés vers des pays, voire leur pays d'origine ou d'autres pays. Et notamment les enfants, ça a été ça qui était un petit peu dit dans les médias, c'est que les enfants... aujourd'hui, c'est OK, quoi. Aujourd'hui, c'est OK. Où les enfants seront enfermés dans ces centres. Hein. C'est des prisons aux portes de l'Europe pour faire le filtrage et que premier examen un peu des situations des gens vont être faits là-bas dans des conditions, on imagine bien évidemment, catastrophiques. Voilà. Et peut-être, je voulais juste parler des hubs de retour, ou à moins que toi, tu voulais en causer, ou pas. Je me disais en causer à la fin, oui. Eh ben, vas-y, alors. Du coup, un des points centraux de pacte asile-immigration, mais qui existait déjà avant, c'était du coup la question des hotspots, et du coup, qui dit de manière très cynique, c'est une approche hotspot, c'est une façon de gérer l'afflux de migratoire. Alors du coup, d'après l'UE, il y a eu une crise migratoire au printemps 2015, et c'est à ce moment-là qu'a commencé à être pensée la question des hotspots. C'est des centaines de milliers de réfugiés, notamment syriens, syriennes, qui arrivent en Europe, et principalement par la Grèce et l'Italie. Cet afflux est une conséquence logique d'une guerre qui dure depuis 2011 et de personnes qui fuient les situations de guerre. Du coup, les hotspots, théoriquement, c'est des centres d'enregistrement où les gens, du coup, sont regroupés pour régler théoriquement des formalités administratives où ils peuvent, en principe, déposer une demande d'asile. Du coup, c'est décrit comme une chose très ouverte. Quoi, une salle d'attente, quoi. Voilà, c'est un centre. Mmh. Voilà. En pratique, c'est des camps qui empêchent les personnes fuyant leur pays de pénétrer sur le territoire européen. Du coup, en pratique, c'est littéralement un camp de concentration, un camp d'enfermement, un camp où on concentre des gens pour surtout éviter qu'ils mettent le pied en Europe. Et du coup, cette approche hotspot, elle est liée à la protection des frontières. Et du coup, c'était avant tout pour les États européens de l'UE de créer de la solidarité entre eux pour éviter que les gens arrivent sur leur territoire. Et du coup, moi, je vais parler de l'Italie et de la Grèce principalement. Alors, parce que c'est là où il y a les hotspots sur lesquels j'ai réussi à avoir le plus d'informations. Théoriquement, il est censé en avoir au Niger, à Agadez. Mais j'ai trouvé aucune information très claire sur ça. Mais en tout cas, c'était un des projets de Macron qui en est là-bas aussi. Et en 2017, il promettait d'en faire construire en Libye. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé de tel là-bas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était censé être dans les cartons. Alors du coup, un hotspot, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit qui sert à identifier et à faire le tri des gens, des exilés qui arrivent, du coup, aux frontières de l'UE. Le but, c'est de faire le tri entre des migrants économiques et des demandeuses d'asile, d'une part. Parmi les migrants économiques, on les vire parce que c'est pas des personnes qui sont entre guillemets qui ont le droit d'être secourues. Ouais, qui ont le droit, exactement. Voilà, c'est plutôt les demandeuses, théoriquement, c'est les demandeuses d'asile dont on veut s'occuper. Et parmi ceux-là, il y en a qui seront relocalisés vers un pays européen. Relocaliser un peu comme une marchandise, quoi, ou comme une entreprise. Il n'y a aucune prise en compte de qu'est-ce que cette personne voudrait, où elle voudrait aller, où il y a sa famille, éventuellement. Quoi. Exactement. Et les autres qui sont parmi ceux-là, il y en a qui sont relocalisés, et puis d'autres qui sont expulsés vers un pays dit du Sud. À peu près n'importe lequel, selon la convenance de l'endroit où ils sont, de la structure où ils sont. Mais l'idée de relocalisation, là, c'est un peu la phase, entre très gros guillemets, solidaire des hotspots, qui est tout à fait questionnable, mais c'est ça qui est mis en avant au début, quand les hotspots ils sont ouverts, de genre on va relocaliser les gens, on va leur trouver un petit endroit où les mettre. Mais en réalité, si on regarde des chiffres, il y a 35 000 demandeuses d'asile entre 2015 et 2018 sur 1 million d'arrivées, c'est-à-dire 35 000 relocalisations, entre guillemets, sur 1 million de personnes, ce qui n'est absolument rien et ce qui montre bien que c'est absolument pas le but de ces structures-là, d'aider les gens à trouver un endroit où s'exiler. Et du coup, en fait, ces espaces de tri qui sont censés être temporaires, ça devient des camps de détention, des endroits où les gens peuvent rester parfois des années, on va le voir. Alors du coup, moi, je vais parler principalement de deux endroits. Il y a l'Italie et la Grèce. Alors, je vais passer rapidement sur l'Italie, mais en tout cas, en Italie, c'est des centres de premier accueil qui ressemblent complètement à des prisons, c'est-à-dire des bâtiments en dur entourés de murs et de barbelés. C'est des endroits où les gens ils sont enfermés le temps de procédure d'identification et d'enregistrement. Ensuite, eux, ils sont envoyés vers une fois que les personnes sont triées, elles sont envoyées vers un centre d'accueil pour demandeuses d'asile, soit vers un centre d'expulsion en vue de leur renvoi forcé. Et ces renvois forcés, d'ailleurs, ils sont faits la majorité du temps par des vols réguliers. Et c'est un des moyens que les personnes différents collectifs de lutte contre les frontières et contre l'enfermement des personnes, des exilés. C'est un des moyens de lutte que les gens ont eu en Italie, par exemple, de perturber ces vols réguliers et de faire en sorte de médiatiser le fait qu'il y ait des personnes qui soient mises dans ces avions et expulsées. Et ça a été fait aussi beaucoup en France avec Air France, qui est la compagnie qui aussi expulse des gens à travers des vols réguliers. Voilà. Et alors du coup, le hotspot d'Italie qui est le plus connu, on en a déjà parlé, c'est Lampedusa. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais en tout cas, c'est un hotspot qui est prévu pour du coup un centre, ce centre de premier accueil, entre guillemets, qui est prévu pour 400 personnes, où en général, il y a plutôt 2000 personnes qui sont enfermées. Mmh. Et au maximum, ça peut aller jusqu'à 7000 personnes dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour. Voilà. Dans des conditions terribles, du coup. Oui. Dans des conditions de manque de moyens de... L'accès aux soins, à l'eau, j'imagine que s'il y a 5 fois plus de gens... Ouais. À la nourriture et tout ça, même où il n'y a pas de médecins, ou très peu. Et voilà. Après, par rapport à... je vais revenir un peu plus précisément sur la Grèce. Et du coup, en Grèce, les hotspots, comme ça a été dit précédemment, ils s'articulent beaucoup entre une dynamique entre la Grèce et la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie a été considérée comme un pays sûr pour tout un tas de personnes venant notamment de Syrie, d'Afghanistan, de Somalie, du Pakistan et du Bangladesh. Et du coup, toutes ces personnes-là qui avant arrivaient en Grèce et demandaient l'asile en Grèce n'ont plus la possibilité de demander leur asile en Grèce. Et du coup, quand ils arrivent dans ces hotspots, ils sont renvoyés directement. Ils sont pas considérés comme demandeurs d'asile et du coup, ils sont renvoyés en Turquie. Alors pour l'instant, l'accord entre la Turquie et la Grèce, la Turquie a un moment gelé cet accord. Il a été lancé en 2016, je crois, et puis en 2020, la Turquie en a eu marre de gérer tous ces gens et du coup a gelé ces accords. Ce qui est une des raisons pour lesquelles aussi il y a autant de pushback ou de refoulement dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, la Grèce ne pouvait plus renvoyer légalement les gens des hotspots vers la Turquie. Mmh. Et du coup, les refoulements se sont faits directement dans la mer et de manière très violente. Et c'est pourquoi ce fameux Legeri est poursuivi. Enfin, va peut-être être poursuivi parce que pour l'instant, il est juste sous enquête. Du coup, alors en Grèce, on parle de 5... En tout, il y a 5 camps qui ont une capacité au total de 6000 places à U5. Mais il y a à peu près 40 000 personnes qui sont enfermées dans ces endroits tout au long de l'année. Il n'y a pas ou peu d'accès à l'eau. Il y a un médecin pour à peu près 3000 personnes. 3 heures de queue pour prendre un repas. 2 ans d'attente pour un entretien d'asile. Et en hiver, le manque d'infrastructures. Souvent, c'est des camps où les gens sont dans des tentes, dans des algécos. Et c'est l'hiver, le manque d'infrastructures justement provoque souvent des morts par hypothermie. Et en fait, les gens, ils arrivent, la plupart du temps, les gens arrivent dans ces endroits et comme ils sont entrés illégalement, ils sont enfermés pendant une première durée de, en général, 18 mois. Et cette période, elle est souvent renouvelée parce que les gens, au bout de 18 mois, ils ne veulent pas repartir. Et du coup, ils sont renouvelés pour une période de 18 mois, ce qui fait qu'au tout, ils passent à peu près 3 ans dans ce genre d'endroit. Voilà. Du coup, je vais... Pardon. On peut voir aussi que le fait de laisser passer des personnes ou pas pour des États, des fois, ça, pour emmerder l'État voisin, ils peuvent... En fait, les humains servent de variable pour emmerder ou pas l'État voisin. Ah bon, et du coup, il y a des accords horribles sur le dos des êtres humains et de leur possible liberté de circulation. Tu parlais de la Turquie, je pense qu'il doit y avoir des bails comme ça un peu aussi, des fois. Voilà. C'est OK que j'ouvre, c'est OK que je ferme. Voilà. Oui, c'est sûr. Et je vais venir justement au de retour. le Parlement européen, là, avec une alliance entre l'extrême droite et la droite, le 26 mars dernier, du coup, là, très récemment. Il manque encore que ce soit revoté au Parlement et tout ça. Il y a quelques négociations qui sont en cours. Mais l'idée, c'est d'envoyer dans ces hubs de retour, du coup, des endroits qui sont dédiés à recevoir les gens qui vont être expulsés. Et du coup, c'est d'envoyer ceux dont la demande d'asile a été rejetée et qui ont une obligation de quitter le territoire du pays où ils sont arrivés. C'est des centres, du coup, qui vont être créés, sont censés être créés pour envoyer des migrants en dehors de l'Union européenne. À l'extérieur de la forteresse. Ah, exactement. Et l'excuse, c'est qu'il y a 20% des décisions d'expulsion qui sont prises au sein de l'UE qui aboutissent réellement. Et que du coup, l'idée, c'est d'augmenter ce chiffre, que 20%, ça leur semble vraiment trop peu. Mmh. Et que du coup, il faut qu'il y ait de plus en plus d'expulsions qui soient lancées. Et ça a été... Mais bon, ça a quand même un projet, les hubs de retour... qui a déjà été testé entre l'Italie et l'Albanie. Et ce projet-là, en tout cas, en Albanie, il a capoté à cause de contestations judiciaires. Et du coup, le centre en question de hub, qui s'appelait un hub de retour, il a été abandonné. Il est resté très longtemps vide et il n'a pas été utilisé. C'est la même chose entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Il y a un projet comme ça, à cause d'obstacles judiciaires, le centre n'a pas été créé au Rwanda. Et il y a un procès entre les deux, entre le Royaume-Uni et le Rwanda en ce moment, parce que justement, il y avait de l'argent en jeu. Et cet argent n'est jamais arrivé dans les caisses du Rwanda. Ouais, en fait, c'était le vote de cette loi-là. C'est assez catastrophique quand même, hein, sur la réalité de ce que ça va potentiellement pouvoir faire, parce que. Un des trucs qui tenait un petit peu, c'était la marge de manœuvre des pays dont les personnes sont ressortissantes. C'était le laissez-passer consulaire. Ça veut dire, c'est pas du jargon juridique trop complexe, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est que, en gros, tu peux pas expulser quelqu'un si t'as pas l'autorisation du pays de le renvoyer dans le pays. Et que ça permettait notamment qu'il y ait pas mal de gens qui se fassent pas expulser, quoi. Et du coup, la création d'hubs de retour, ça fait juste un truc que ça fait sauter cette protection-là pour les gens. Et du coup, ça fait juste, t'as une OQTF, t'as une interdiction de retour, bah bim, tu te fais contrôler par la PAF à la sortie du Resto du Cœur, tu fais un petit tour en CRA, avion, ciao, y a plus ce truc qui était quand même un truc important dans le fait que les gens n'étaient pas expulsés, quoi. Et aussi, juste pour rebondir là sur tout ce que tu dis, c'est que vraiment, moi je trouve ça vraiment terrifiant aussi, toute la langue autour de ça, quoi, de relocalisation, etc. C'est vraiment des camps de concentration, c'est de la déportation massive de gens, et ça fait partie intégrante de la logique militaire, quoi, la logique concentrationnaire, quoi. Il y a aussi un truc de coopération entre les États qui est de plus en plus cynique, mais que du coup, dans ce projet de hub de retour, justement, il y a des sanctions en plus du fait d'être envoyé dans des hubs, notamment que les États membres de l'UE, s'il y en a un qui prend une décision sur une personne, en fait, tout l'UE a pris cette décision, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance mutuelle. Du coup, une personne, elle va être jugée quelque part d'une certaine manière, quand bien même elle va changer de pays, et ben cette application, elle va être appliquée directement et elle pourra même plus refaire une demande, quoi. Ce sera mort. C'est mort en Espagne, en Italie, c'est mort pour tout le reste de l'Europe, quoi. Ouais. Tous les trucs de biométrie, en fait, oui. Du coup, tu peux pas... Pour retrouver les gens et être sûr de... Ouais. Ok, merci pour cet exposé glaçant. Alors, on a l'autorisation de l'ami qui fait l'émission Babel 42. Normalement, on doit arrêter maintenant, en fait. Mais du coup, à 18h, on retrouvera bien Babel 42 qui nous parlera de science-fiction. Mais peut-être qu'on peut s'octroyer quelques minutes supplémentaires pour vite fait, brièvement, aborder quelques idées de lutte qui se passent ici ou ailleurs à propos de ça, peut-être. Moi, en fait, j'ai été inspiré par Frontex, qui, dans son dernier rapport... nous parlent des contre-mesures de la part de leur adversaire. Donc c'est eux qui le disent, en fait. Ils disent Bon, bah alors nous, on fait tout ce qu'on peut, hein, mais bon, les migrants, ils pourraient utiliser des capes de camouflage pour se cacher de la vue aérienne. Ils pourraient voyager lorsque le ciel est couvert par les nuages ou pendant les nouvelles lunes, du coup, pour échapper à la vision nocturne là où il y a vraiment, vraiment très, très peu de lumière. Utiliser des leurres pour échapper à la détection automatique. Donc tu fais quelque chose de chaud quelque part et pendant ce temps toi tu passes par ailleurs quoi. Les migrants ils ont appris aussi à avoir les horaires des passages des drones. Donc là Frontex se dit il faudrait qu'on ait des horaires aléatoires de passage de drones. Voilà de quelques idées que Frontex nous donne pour échapper à sa surveillance. Mais ils y pensent aussi. Et dans l'émission de France Que dont je parlais, il y avait une interview d'un passeur freelance qui au fait le journaliste posait la question mais de comment enfin au fait ça devient tellement impossible de franchir ces frontières que avec toutes ces technologies ultra sophistiquées etc mais comment au fait. Et du coup, sa réponse m'a fait pas mal rire et c'est un peu rassurant quand même. Il a décidé un outil super et un outil lié à un savoir-faire, c'est les cartes. Du coup, des cartes détaillées d'un territoire, alliées à des connaissances effectivement du terrain, des horaires et de ce genre de choses, ça marche encore un peu. Ouais, et puis je pense effectivement, et puis avec tout ça, déjà c'est des très bonnes idées et tout, et ça fait du bien d'écouter ça. Je pense que j'avais envie de redire des trucs sur garder aussi l'imaginaire et aussi des images qui sont pas si lointaines. Je pense que là, ça fait des camarades, par exemple, qui ont vécu des années à côté de Ceuta et Melilla et qui racontent il y a 20 ans comment c'était et comment les passages ils se faisaient sans tous bord. Enfin, bien sûr que c'était contrôlé, mais en tout cas beaucoup moins. Moi, je trouve aussi de garder ces images de maintenant, on est tellement habitué à voir. Sur les frontières européennes, ces équivalents de miradors, les camps de concentration, et du coup se rappeler que c'est vraiment possible autre chose. Et après, je pense le réseau, la solidarité communautaire, c'est quand même une putain de force, et c'est grâce à ça qu'il y a encore des personnes ultra courageuses qui continuent à exercer leur liberté de circulation et que ça marche. Et puis le réseau, dans des alliances d'activistes de terrain de tous les pays, quoi, ça continue à fonctionner et ça s'arrêtera jamais, parce qu'un réseau, tu peux pas le casser, quoi. Et justement, en parlant de réseau, parce que moi, j'ai vu qu'il y a eu des événements ici contre Frontex, notamment une campagne qui s'appelait Pushback Frontex. Et il y a eu des événements en France, mais il y a eu aussi des événements... Enfin, cette initiative, elle est partie du Sénégal, non ? Ouais, c'est ça. Elle est portée par... par exemple, on peut parler de Bozafi, qui est du coup une association de camarades sénégalais qui ont été des camarades qui ont été sur les routes, en fait, et puis qui sont de retour au Sénégal et qui ont monté Bozafi pour le droit à la liberté de circulation et qui font des trucs de fou, et notamment qui font beaucoup, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de rencontres avec les personnes qui veulent partir, beaucoup d'infos sur c'est quoi Frontex, parce que Frontex est au Sénégal, beaucoup de travail avec toutes les familles et proches de disparus, parce que c'est aussi des massacres dans des villages où t'as la moitié des jeunes garçons qui sont morts quand t'as un naufrage et qui sont tous sur la même pirogue, du coup c'est aussi tout ça, et du coup c'est et Pushback Frontex, c'est du coup une campagne pour alerter les personnes au Sénégal qu'il y a Frontex au Sénégal, que c'est une police coloniale et comment on s'organise autour de ça, quoi. Et du coup on a fait effectivement en France des relais un peu de ça, quoi, pour parler de ça, parler de Frontex aussi, parce que c'est important d'attaquer Frontex et de réfléchir à c'est quoi aussi depuis la France, depuis l'Europe, quoi. Aussi, moi je voulais revenir rapidement, je ne vais pas en parler très longuement, mais il y a quand même pas mal de villes en France où il y a des assemblées contre les CRA et contre les frontières, et où du coup les gens ils font du lien, notamment avec les personnes qui sont enfermées en CRA, et aussi ils luttent contre la construction de nouveaux CRA. Par exemple, il y a Abat les CRA en région parisienne. Peut-être on pourra mettre les liens sur la page de l'émission de différents endroits. Il y a Colère à Nantes, qui est une coordination opposée à l'enfermement et à la répression des étrangers, étrangères. Il y a Bordeaux Anticra, Toulouse Anticra, Marseille Anticra. Il y a Crame ton CRA à Lyon. Il y a le CRAC, qui est un collectif rennais anticarcéral qui lutte contre toutes les formes de prison, dont les CRA. Il y a Lille Anticra. Il y a aussi plein de collectifs à Calais. Il y a le collectif Colère à Olivet, près d'Orléans, collectif contre les expulsions et la rétention. et notamment à Dijon, anti CRA aussi. Le 18 avril, il y a une manifestation contre l'ouverture d'un CRA. Et du coup, c'est bientôt, c'est à 13h30, place du théâtre. Si vous avez envie d'y aller, c'est pas si loin que ça. Nickel, merci. On peut aussi parler d'initiatives de solidarité envers les personnes exilées. Moi, ça me fait penser au cabaret de soutien aux exilés qui aura lieu le 16 mai à Ambert, en Livradois-Forez. Voilà, pareil, des gens qui récoltent un peu des thunes pour des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile et qui se retrouvent sans aucune ressource. Et qui elles ont réussi à passer des frontières. Peut-être qu'on se quitte sur ces initiatives de lutte. Est-ce que vous aviez d'autres trucs à dire? On passe un petit morceau de musique pour terminer. Ah oui, si, on peut présenter ce morceau-là. Non, je voulais juste dire merci pour l'émission, c'était super. Et voilà. Et le morceau. Ah, et le morceau, bah oui. Du coup, c'est un morceau de Frazao Plaisir, un musicien originaire de Côte d'Ivoire qui compose et écrit, qui compose la musique et écrit ses paroles. La musique traditionnelle de Côte d'Ivoire avec... je crois un mélange de musique du Niger aussi. La chanson elle s'appelle Aventurier du désert et en fait elle raconte la traversée de deux jeunes amis qui partent de Côte d'Ivoire et traversent le Niger, la Libye et arrivent en Europe. Et je pense que pour parler de lutte, les dernières phrases c'est aventurier du désert, que des aventuriers, que des bosseurs, que des braves. Voilà. Et ça s'appelle Aventurier du désert. Dédicace à tous les aventuriers du désert. Dengo Rabastaïne. Voilà, c'est